Elisabeth Badinter, quelle était la situation des femmes sous l'Ancien Régime, à la veille de la Révolution, des femmes qui voulaient avoir un rôle politique? La situation est tout à fait restreinte. Les femmes qui, à l'ouverture des États généraux, auraient en tête que la Révolution leur profite à elles aussi, sont un très petit nombre de femmes. Et pour une raison très simple, c'est que l'idéologie dominante en 1789 n'est absolument pas favorable à la prise de parole par les femmes, à l'action politique féminine. C'est très simple pour comprendre. Il faut se souvenir qu'en 89, il y a une sorte de consensus dans la société, hommes et, disons-le avec chagrin, femmes aussi, pour penser tout à fait, avec Jean-Jacques Rousseau, que la femme est déterminée par la nature à être mère, ménagère et épouse. Deuxièmement, la place naturelle d'une femme, c'est son foyer, et que hors de chez elle, elle n'est plus à sa place. Et troisièmement, qu'une femme idéale est celle dont on n'entend jamais parler. Et ces trois caractéristiques donc de la femme telle que on la considère à la veille de 89 est évidemment peu propice et peu encourageante pour toutes celles qui auraient souhaité avoir un rôle et prendre la parole. Déjà, prendre la parole publiquement pour une femme est une sorte de défi en 89. Déjà, on sort de la norme. On n'est pas une femme convenable. Et je crois que ça explique le poids extraordinaire de cette idéologie, le silence de la majorité des femmes. J'ajoute encore, c'est que le 18e a été un siècle féministe, où les femmes des classes privilégiées, de l'aristocratie, mais aussi de la haute bourgeoisie, avaient eu l'occasion de s'exprimer, tenaient salon, étaient écoutées, respectées par les hommes. Ces femmes-là seront muettes pendant la Révolution, peut-être ont-elles déserté, peut-être pour une bonne part étaient-elles mortes, mais en tous les cas on ne les a pas entendues. Ce qui fait que les femmes qui ont joué un rôle venaient pour la plupart de la toute petite bourgeoisie ou du peuple. Alors justement, ces femmes étaient en général déclassées et il y en a très peu dont on peut dire qu'elles sont les fondatrices du féminisme. Il y a Olympe de Gouges, Etta Palme et Théroigne de Méricourt. Comment voyez-vous Théroigne de Méricourt ? Écoutez, je vois Théroigne, contrairement à beaucoup de gens aujourd'hui, comme avant tout une féministe. Et j'ai en tête un certain nombre de discours qu'elle a tenus, soit à la Société fraternelle des deux sexes, soit au minime, soit même quand elle va à l'Assemblée déposer des pétitions. C'est une femme qui a eu le courage de revendiquer pour les femmes. Et à mes yeux, moi j'ai cette image d'elle, d'une femme active, volontaire, intelligente, je dirais éclairée. Alors je sais très bien qu'il y a tout le reste qui accompagne Théroigne, c'est-à-dire, peut-être sa folie, vous en savez plus que moi, peut-être son originalité, peut-être son costume, puisqu'au fond, pour beaucoup, Théroigne, c'est un costume, ce qui est absurde, un costume d'homme, d'Amazone plutôt. Mais pour moi, elle a une image extrêmement positive et je ne peux pas penser féminisme sans associer à l'origine Théroigne et Olympe, qui d'ailleurs ne se sont guère rencontrées. On ne sait pas, a priori, en tout cas, elles n'ont pas échangé. Et ce sont, de mon point de vue, deux femmes qui ont introduit au féminisme. Alors peut-être qu'il y a chez Théroigne quelque chose qui m'est cher, mais peut-être je me trompe, en tous les cas je l'aperçois comme ça, une volonté de faire de la femme véritablement l'égale de l'homme dans l'optique qui m'est particulièrement chère, à savoir la ressemblance des sexes. Oui, tout à fait. Il y a ça chez Théroigne et je crois que son féminisme ne fait aucun doute. Mais vous ne croyez pas qu'elle s'inscrit dans la phase du féminisme guerrier, peut-être plus que Olympe de Gouges, qui est un féminisme, disons, plus intellectuel? C'est un féminisme, moi j'aurais dit, plus radical, mais je remarque que toutes ces femmes, Olympe, Théroigne, Etta Palme, ou Claire Lacombe, si on peut la traiter de féministe, ce qui n'est pas tout à fait sûr, ce sont des femmes effectivement déclassées, des marginales, et des femmes qui sont, pardonnez-moi l'expression, libres. C'est-à-dire que, même si Olympe a un fils, ce sont des femmes qui vivent pour elles-mêmes, qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas dans la situation des femmes ordinaires. Je crois que ça a dû peser lourd contre elles aux yeux des autres femmes. En effet, il me semble aussi que Théroigne est la plus athée des trois, ou est-ce que Olympe de Gouges l'était aussi? Théroigne revendique l'athéisme. Oui, Olympe, non. Elle a même des textes, il y a même des textes de sa main où elle parle de Dieu. Non, elle n'est pas athée, je ne crois pas. Olympe, quant à Éta Palme, franchement, je ne le sais pas. On ne le sait pas. Non, je ne le sais pas. Vous voyez comment on sait peu de choses de ces femmes. Et grâce à vous, on en sait un peu plus sur Théroigne et Méricourt. Mais je dois ajouter que pour ma part, j'ai toujours été comme offensée personnellement que l'image de Théroigne de Méricourt ait été caricaturée, moquée, traînée dans la boue par les historiens du 19e et je dois dire à mon chagrin par beaucoup d'historiens du 20e siècle, presque ceux qui nous sont contemporains encore aujourd'hui. Et je pense qu'il est essentiel pour la mémoire des femmes que Théroigne ait été décapée par votre plume. Et l'hostilité des hommes de la Révolution à l'égard de ces femmes ? Elle a été très forte. Et moi, je suis frappée de constater que au début de la Révolution, c'est-à-dire 1790-1791, il y a une sorte de période plutôt rose pour ces genres de femmes, c'est-à-dire qu'on les écoute, elles peuvent participer à des clubs, elles entrent donc au sein de l'Assemblée, on leur donne les honneurs de la séance, il y a une sorte de presse féminine. Et il semblerait, mais en toute naïveté, au départ, que, après tout, les hommes peut-être auraient pu les entendre. Quand je dis les hommes, je parle en particulier des hommes politiques et même plus tard des républicains. En vérité, ces femmes ont fait terriblement peur. Et non seulement Théroigne, Olympe ou Éta Palme, et plus tard les femmes du peuple ou les femmes des clubs des républicaines révolutionnaires, ces femmes ont fait terriblement peur aux hommes, fussent-ils même républicains et pour l'égalité des êtres humains. Et je pense qu'une des raisons pour laquelle ils ont vraiment rejeté ces femmes, et d'ailleurs les unes ont été à la guillotine, les autres ont sombré dans la folie ou ont fui comme Éta Palme, c'est que ces femmes sont apparues très viriles aux hommes de la Révolution. En plus, quand elles ont réclamé le port des armes, le fait de pouvoir s'armer et de pouvoir apprendre l'apprentissage des armes, je crois que là, elles ont franchi un pas qui était psychologiquement insupportable à la majorité des hommes. Et je me rappelle de cette journée atroce du 30 et 31 octobre 1993, quand pour la première fois on pose la question des femmes au sein de la Convention nationale. Et souvenez-vous, ça commence comme ça, Fabre d'Églantine, connu pourtant pour sa poésie exquise, je dirais c'est lui qui ouvre les hostilités contre les femmes, et ça s'adresse à toutes celles qu'on vient de nommer. Il dit, mais ces femmes sèment le désordre dans les rues, désordre dans la société, parce qu'en vérité, ce ne sont pas des femmes ordinaires, ce ne sont pas des braves mères de famille, ce ne sont pas des sœurs qui s'occupent de leurs enfants, ce sont des aventurières et des grenadiers femelles. Et ce mot grenadier femelle dit tout, à mon sens. Ça veut dire, voilà des femmes qui veulent faire les hommes. Et quand on ressent ça, alors les hommes montrent qu'ils ont une peur panique pour leur identité à eux. Si les femmes font les hommes, alors que nous reste-t-il à nous pour entériner notre spécificité ? Et je crois que c'est une des raisons profondes de l'horreur des hommes à l'égard des femmes politiques, des femmes qui prennent la parole, parce qu'ils les ressentent comme viriles, et alors qu'ils veulent les garder aux frontières de la différence des sexes. Et Théroigne, qui donc portait le costume d'Amazone, qui était assez viril, bien qu'elle soit très féminine par ailleurs, a très certainement fait très peur, comme Olympe de Gouges, qui, même si elle n'avait pas les costumes, a eu une agressivité, souvenez-vous, à l'égard de Robespierre ou même de Marat, une agressivité dite masculine, c'était pas supportable pour les hommes. Oh! plus Théroigne revendique son idéal de liberté et d'égalité, plus elle est attaquée par la presse royaliste. Son aspiration féministe est rabaissée par une récrimination de prétendue liberté sexuelle et son identité est sans cesse travestie. Parmi les différents journaux, les Actes des Apôtres, dirigés par François Sulot, Antoine Rivarol et Jean-Gabriel Pelletier, sont les plus incisifs. Pour ces hommes, la révolution est associée à la débauche et la liberté au libertinage. Ces journalistes l'appellent Théroigne de Méricourt. Ce nom lui restera, bien qu'elle n'ait jamais accepté de le porter, choisissant simplement de s'appeler Théroigne. Entre janvier et mars 1790, elle fonde avec Gilbert Rome, mathématicien, futur conventionnel et créateur du calendrier républicain, une société des Amis de la Loi. Il s'agit d'un de ces multiples clubs révolutionnaires qui a pour charge d'enseigner la Constitution au peuple. Mais en mars, le club n'a pas assez d'adhérents et Gilbert Rome le dissout pour adhérer lui-même au club des Jacobins qui est alors en pleine expansion. Théroigne, qui est célèbre, se retrouve seul. C'est l'un de ses premiers échecs politiques. À la fin de l'année, elle est poursuivie par le tribunal du Châtelet, d'obédience royaliste, pour avoir participé aux journées d'octobre 1789. Des témoins croient l'avoir reconnue parmi la foule des femmes qui étaient venues chercher la famille royale à Versailles. Or, Théroigne n'était pas à Versailles. Mais la presse royaliste a imposé d'elle une image de femme du peuple et de femme des rues. Elle est donc accusée d'avoir voulu porter atteinte à la vie de la reine lors des journées de Versailles. Elle décide donc de retourner dans son pays natal. Elle est écœurée par la Révolution. Réfugiée à Liège, elle fréquente les patriotes belges qui sont en lutte contre la monarchie impériale. Mais bientôt, on la prend pour une dangereuse espionne envoyée en Belgique par les Jacobins pour agiter les populations. Les émigrés de Coblence voient en elle une furie sanguinaire qui a voulu tuer la reine. C'est pourquoi, sur les ordres de Mercy d'Argenteau, ambassadeur, elle est enlevée par des aristocrates français en exil qui la livrent à l'Autriche sans savoir qu'elle est sujette de l'empereur Léopold II. Il est lui-même le frère de Marie-Antoinette. Le chancelier prince de Kautnitz, conseiller de l'empereur, la fait alors interner dans une forteresse du Tyrol et croyant avoir affaire à un haut personnage de l'État révolutionnaire, il nomme un juge d'instruction zélé qui a pour mission de l'interroger et de lui faire livrer tous ses secrets. Marquée par les bienfaits du despotisme éclairé, la justice de l'empereur est une véritable justice. Elle fonctionne avec des méthodes modernes. Un crime est un crime, et un délit d'opinion n'est pas un crime. Face à son juge, Théroigne revendique sa liberté d'opinion, son droit d'être une femme révolutionnaire. Elle fait ainsi la démonstration qu'elle n'est ni une criminelle qui a voulu tuer la reine de France, ni une espionne à la solde des Jacobins. Ainsi contredit-elle l'image que la presse royaliste a voulu donner d'elle. Léopold II va comprendre que Théroigne est innocente. Il la rencontre personnellement et il la fait libérer. C'est alors qu'elle rentre à Paris, au moment où commencent les premiers travaux de l'Assemblée législative. Elle est alors accueillie triomphalement comme une grande héroïne de la Révolution, ayant su affronter la monarchie autrichienne. Elle va choisir le parti des Girondins et se montrer favorable en avril 1792 à la guerre contre les puissances. Théroigne est alors à l'apogée de sa gloire et s'inscrit dans l'histoire du féminisme guerrier en demandant la levée de bataillons d'Amazones pour combattre aux frontières. Un soir, disait Condorcet à plus d'un confrère, j'ai dans la tête un projet qui pourra vous plaire. Il nous faut, mes chers amis, établir en ce pays une ri-ri-ri, une pu-pu-pu, une ri, une pu, une république d'une forme unique. Dont on voulait de Louis porter la couronne, Au moment où Thérouanne de Méricourt retrouve Paris, la Révolution a changé de visage. Elle est divisée entre deux tendances, représentée par les Girondins d'une part, favorables à l'extension de la lutte au-delà des frontières, et par les Montagnards de l'autre, qui veulent renoncer à la guerre pour faire avancer les idées nouvelles à l'intérieur de la nation. Pour Thérouanne, cette désunion est vécue comme un véritable désastre. Car pour elle, l'idéal révolutionnaire qui lui a donné une identité neuve ne peut être édulcoré. Il doit rester intact comme un bel objet. Plus la révolution est divisée, plus Thérouanne est déchirée dans son âme par cette perte d'un objet qu'elle a passionnément aimé. Seul cet idéal peut assurer son équilibre mental. Au cœur de cette division de la Révolution, toutes les actions qu'elle entreprend aboutissent à un échec. Durant la journée du 10 août qui voit la chute de la monarchie, elle participe pour la première fois de sa vie et pour la seule à une action sanglante. Ce jour-là, aux Tuileries, elle appelle le peuple à massacrer des prisonniers royalistes. Parmi eux se trouve le fameux journaliste François Sulot. Michel Plomb, pouvez-vous nous dire en quoi l'aventure personnelle de Thérouanne de Méricourt fait-elle ressortir des caractéristiques du champ politique ? C'est un échec radical, en cela que, à mon sens, elle n'entre jamais de plein pied dans la politique. Elle accompagne la politique, elle se fond dans de la politique, mais elle ne se distingue jamais réellement comme sujet dont les interventions vont faire la politique. Je ferai volontiers, sur ce plan-là, la différence entre elle et d'autres femmes de la même époque, par ailleurs très différentes l'une de l'autre. Je pense à Olympe de Gouges ou à Madame Roland. L'une et l'autre vont devenir, progressivement, à leur échelle, des sujets politiques qui vont avoir, dans leur milieu, une importance politique, dont les déclarations vont avoir un sens politique. Donc ces deux femmes-là, et leur fin, aussi bien à l'une qu'à l'autre, elles vont être toutes les deux exécutées, leur fin a un sens politique. C'est une exécution politique. La fin de Thérouanne n'a pas un sens politique. Elle se perd à elle-même et elle est perdue de vue par la politique assez tôt. À partir de 1792, c'est dit dans le livre d'ailleurs, bon, on la perd de vue. Elle disparaît dans le flot, elle n'est plus un sujet politique, si tant est qu'elle ne l'ait jamais été. Alors comment expliquer sa célébrité et le fait qu'à l'époque, elle a quand même été reçue comme un personnage politique, en particulier pour son alliance avec la Gironde et sa déclaration sur les bataillons d'Amazone ? Alors, elle a une célébrité, je dirais volontiers, enfin, peut-être un peu caricaturalement, qui est plus anecdotique que politique. Sa position par rapport au tiers-État est très différente de celle de quelqu'un comme Sieyès. Et d'ailleurs, ça peut expliquer pourquoi elle est si fascinée par Sieyès. Sieyès défend le tiers-État, il parle du tiers-État, il argumente pour le tiers-État, mais il ne se fond pas avec le tiers-État. Il ne fusionne pas avec le tiers-État. Thérouanne rencontre la politique à travers le tiers-État comme littéralement un coup de foudre. Un coup de foudre, un coup d'amour dans lequel l'individu ne s'appartient plus momentanément. Le livre dit qu'elle y trouve une nouvelle identité. Pour moi, ça signifie qu'elle y perd son identité, quelle qu'ait pu être son identité de sujet. Oui, parce qu'une des caractéristiques de Thérouanne, c'est qu'au fond, on ne connaît pas son identité. Et tout à fait. Je pense que si on ne connaît pas son identité, bien qu'on n'ait pas les documents pour retracer son enfance, si on ne connaît pas son identité, c'est qu'au fond, on a l'impression qu'elle n'en a jamais. Oui, et elle n'acquiert pas une identité en tant que sujet, elle se fond avec un moment de la Révolution, celui du début, celui de 1789 essentiellement, puisqu'ensuite, bon, il lui arrive les aventures qui lui arrivent, qui n'ont plus grand-chose en réalité de politique, qui relèvent plus du roman policier, et où à ce moment-là, ça devient presque une anecdote privée. Et il est tout à fait remarquable qu'à partir de 1792, la chronologie de la Révolution, là où la division commence à bouger très sérieusement, c'est lorsque, en 1792, cette division, au lieu de passer entre le tiers-État et la noblesse, va fractionner le camp révolutionnaire. Et à ce moment-là, Thérouanne n'y est plus. On la perd de vue parce qu'elle n'a pas gardé la distance par rapport à l'événement. On a l'impression dans la vie de Thérouanne qu'il y a une distorsion entre la chronologie subjective de son histoire et la chronologie de la Révolution. Et tout se passe comme si elle courait toujours après une révolution qui évolue trop vite et qui lui échappe. Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette approche. Je dirais qu'elle a tellement fusionné qu'en même temps, elle est en permanence aux abois. Elle court après cette révolution. La guillotine est à six terres de mode comme en ce pays. Mais la chose est toute contraire à la cour de dame Cyprice. Car ici, anti-patriote, seul au supplice destiné. L'appareil est sur un théâtre couvert d'un tapis de lin blanc. Entre deux colonnes d'albâtre paraît le fatal instrument. La fenêtre en est purpurine, l'ébène en borne le contour. Le désir ouvre la machine, il exécute. Une attitude fière se présente le patient. Plus il porte la tête altière, plus il devient intéressant. L'étreinte augmente sa furie, il s'agite, il brave son sang. Le plus doux moment de sa vie est le plus voisin. En mai 1793, au moment de la chute de la Gironde, Thérouanne subit une nouvelle humiliation. Alors qu'elle se rend à une séance de la Convention, elle est fouettée en place publique par des femmes jacobines qui l'accusent d'être brissotine. C'est Marat qui la sauve du fouet et la prend sous sa protection. Tandis que les factions se déchirent et que la Révolution devient violente, Thérouanne tente encore d'intervenir pour préserver la paix et l'unité entre les patriotes. Elle rédige un long texte où elle demande aux citoyens de réfléchir. Citoyens, arrêtons-nous et réfléchissons ou nous sommes perdus. Le moment est enfin arrivé où l'intérêt de tous veut que nous nous réunissions, que nous fassions le sacrifice de nos haines et de nos passions pour le salut public. Si la voix de la patrie, la douce espérance de la fraternité n'ébranle point nos âmes, consultons nos intérêts particuliers. Tous réunis, nous ne sommes pas trop forts pour repousser nos nombreux ennemis du dehors et ceux qui ont déjà levé l'étendard de la rébellion. Cependant, je vous préviens que nos ennemis ne distinguent point les partis et que si nous sommes vaincus, nous serons tous confondus au jour de la vengeance. Je puis dire qu'il n'y a pas un seul patriote qui se soit manifesté dans la Révolution sur le compte duquel on ne m'ait interrogé. Tous les habitants de Paris sont indistinctement proscrits, et j'ai ouï dire mille fois par ceux qui me voulaient faire déposer contre les patriotes qu'il fallait exterminer la moitié des Français pour soumettre l'autre. Cet épisode, elle va disparaître de la scène publique. Dénuée de tout, elle vit enfermée dans une chambre au quatrième étage de la rue Saint-Honoré, où elle tente vainement de rédiger ses mémoires. La Révolution a sombré dans la terreur, et Thérouanne va sombrer dans la folie. Tout se passe alors comme si la Révolution, en devenant folle elle-même, ne pouvait plus porter l'idéal de Thérouanne, laissant alors la jeune femme en proie à sa mélancolie. Au printemps 1794, elle entre dans le délire. Elle tient des propos suspects. Elle est arrêtée puis incarcérée. Pour la protéger sans doute de la guillotine, son frère la déclare folle. Mais le 8 Thermidor, elle écrit à Saint-Just, qu'elle ne connaît pas, une lettre pour réclamer sa liberté. Dans cette lettre apparaît sa folie. Citoyen Saint-Just, je suis toujours en état d'arrestation. J'ai perdu un temps précieux. Je vous ai écrit pour vous prier de m'envoyer 200 livres et de venir me voir. Je n'ai reçu aucune réponse. Je ne sais pas beaucoup de gré aux patriotes de me laisser ici dénué de tout. Il me paraît qu'il ne devrait pas leur être indifférent que je sois sans rien faire. Je vous ai envoyé une lettre où je dis que c'est moi qui ai dit que j'ai eu des amis jusque dans le palais de l'empereur, que j'ai été injuste à l'égard du citoyen Bosque, mais que j'en suis fâchée. On m'a dit que j'avais oublié de signer cette lettre, ces défauts d'attention. Je serai bien charmée de vous voir un instant. Si vous ne pouvez venir où je suis, si votre temps ne vous le permet point, ne pourrais-je point me faire accompagner chez vous ? J'ai mille choses à vous dire. Il faut établir l'union. Il faut que je puisse développer tous mes projets, continuer d'écrire ce que j'écrivais. J'ai de grandes choses à dire. Je puis vous assurer que j'ai fait des progrès. Je n'ai ni papier, ni lumière, ni rien. Mais quand même, il faut que je sois libre pour pouvoir écrire. Il m'est impossible de rien faire ici. Mon séjour m'y a instruite, mais si j'y restais plus longtemps, si je restais plus longtemps sans rien faire, sans rien publier, j'avilirais les patriotes et la couronne civique. Vous savez qu'il a été également question de vous et de moi, et que les signes d'union demandent des effets. Il faut beaucoup de bons écrits qui donnent une bonne impulsion. Vous connaissez mes principes. Je suis fâchée de n'avoir jamais pu vous parler avant mon arrestation. Je me suis présentée chez vous. On me dit que vous étiez déménagée. Il faut espérer que les patriotes ne me laisseront pas victime de l'intrigue. Je puis encore tout réparer si vous me secondez. Mais il faut que je sois ou je serai respectée, car on ne néglige aucun moyen de m'avilir. Je vous ai déjà parlé de mon projet. En attendant que cela soit arrangé, que j'ai trouvé une maison où je serai à l'abri de l'intrigue, où je serai dignement entouré de la vertu, je demande qu'on me remette chez moi. Je vous serai mille fois obligé de me prêter 200 livres. Adieu. Thérouanne. L'année 1795, Thérouanne va être internée définitivement. Elle vivra encore 23 années et l'internement rendra sa folie plus grave encore. En janvier, elle va d'abord à la maison des folles du faubourg Saint-Marceau, puis de là à l'Hôtel-Dieu, qui est un gigantesque enfer de la déraison. Enfin, à la Salpêtrière pour 2 mois, puis à l'hospice des Petites Maisons, où elle reste jusqu'en 1807. À cette date, elle revient à la Salpêtrière. Elle y restera définitivement jusqu'à sa mort en 1817. C'est là qu'elle est observée par le célèbre aliéniste Étienne Esquirol, élève de Philippe Pinel et lui-même fondateur de l'asile moderne. Christian Jambet, en quoi la singularité du cas de Théroigne de Méricourt, en quoi sa folie, est-elle représentative de quelque chose de plus général de la mélancolie et de la révolution? Ce qui m'a frappé, c'est que sa folie n'était pas une folie ordinaire ou privée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas sombré dans un délire qui aurait été la simple continuation d'une faille ou d'une maladie mentale indépendante du cours des choses, du cours du monde. Ce que vous avez montré, c'est qu'il y a un lien intrinsèque entre sa courbe de vie politique et la courbe de vie intérieure qui a conduit à l'effondrement. Donc la question qui se pose, c'est de savoir s'il y a un lien nécessaire entre sa conception du monde pendant l'époque révolutionnaire et puis le destin qui l'a conduit au-delà de la raison, donc dans le délire et pour finir dans l'anéantissement de soi-même. Alors l'hypothèse serait qu'il y a là, non pas simplement un cas particulier, mais une forme générale. C'est-à-dire que entre l'exaltation révolutionnaire et l'effondrement mélancolique, il y aurait un lien dont elle serait un cas exemplaire. Et pouvez-vous préciser la nature de ce lien ? Alors voilà, bon, on pourrait dire, me semble-t-il, que l'effondrement de Thermidor est vécu par elle, comme en témoigne la lettre à Saint-Just que vous avez rappelée, témoigne de quelque chose de plus profond qu'un événement politique. C'est-à-dire que ce qu'elle voit, c'est la fin d'un monde ou la fin du renouvellement du monde. Le monde ancien avait fini avec la Révolution, le monde nouveau finit avec Thermidor. Et donc un objet est perdu, objet qui représentait pour Théroigne de Méricourt le souverain bien, le bien absolu, la béatitude, sous sa forme politique. Or, la révolution vise toujours la béatitude. Il s'agit de conquérir, au terme d'un effort sanglant, non pas un bien relatif, mais le bien absolu, le bien radical. Au sens presque où Aristote disait autrefois bon, que le but de la vie, c'était le souverain bien. Et voilà qu'elle perd le bien absolu parce que ce bien est impossible, ou qu'en tout cas, les méchants l'ont rendu impossible. Et elle ne peut pas faire son deuil de ce bien perdu. Et il me semble que dans la Révolution, il y a l'expérience toujours du deuil impossible de cet objet perdu, d'un souverain bien qui a été à un moment miroité comme ça, dans le ciel de l'expérience politique et qui s'est ensuite éclipsé. Ici, s'est éclipsé dans la fin de la Commune et dans la fin du gouvernement révolutionnaire. Alors, comment répondre à cette éclipse ? Eh bien, par la folie. La mélancolie, c'est le deuil impossible de cet objet perdu. Et cela n'est pas propre simplement à l'expérience de Théroigne de Méricourt, mais on pourrait se demander si ce n'est pas une structure proprement révolutionnaire, la structure même de l'expérience révolutionnaire. Pourriez-vous citer d'autres cas qui peuvent vous venir en mémoire ? Et par ailleurs, quel serait le rapport avec l'expérience mystique ? Dans l'expérience mystique, comme dans l'expérience politique extrême, l'objet visé est un objet qu'on ne saurait trouver, un objet impossible. C'est donc une figure du souverain bien. Et l'âme oscille donc entre deux pôles, un pôle d'exaltation, lorsque l'objet semble s'incarner dans une figure du possible. Dans le cas de la Révolution, c'est une figure de l'État, ou une figure de la communauté rassemblée. Dans le cas de la mystique, c'est une figure de la vision, figure singulière du Dieu qui se rend enfin manifeste. Donc il y a un pôle d'exaltation lorsque l'impossible s'incarne enfin, et puis alors, il y a un pôle de mélancolie lorsque cet objet disparaît à nouveau, quitte à réapparaître plus tard. D'où on a un balancement entre l'exaltation et l'effondrement. Or, il me semble que ceci est structurel des révolutions modernes. On voit bien comment, même dans l'expérience récente de l'appropriation, par exemple, de la Chine autour de mai 68, il y a eu ces deux pôles de l'exaltation et de l'effondrement. Toute l'expérience de plusieurs courants politiques s'originant dans le marxisme est marquée par cette oscillation. On pourrait le dire aussi de l'expérience russe après Staline, etc., etc. Donc il y a quelque chose que vous avez mis en valeur chez Théroigne et qui est non pas, encore une fois, une expérience solitaire, mais qui est annonciateur de ce cycle répétitif et tragique de la mélancolie et de l'exaltation qui est propre à la forme révolutionnaire moderne. Jusqu'à quand ? Bon, ça c'est à voir. Philippe Pinel, en janvier 1790, remarquait que la Révolution avait balayé tous les miasmes de l'Ancien Régime et développé une exaltation spécifique. Pourriez-vous dire quelque chose de cette exaltation spécifiquement révolutionnaire ? Il me semble que cette exaltation n'est pas simplement l'exagération d'un sentiment passionné en faveur des idées révolutionnaires ou même des grandes journées révolutionnaires. Ce qu'il faudrait se demander, c'est justement ce qu'il y a dans les journées. Ces journées qui intéressent d'ailleurs tant Théroigne de Méricourt, auxquelles elle participe, enfin qui la fascine en tant que telle. D'abord, ce qui apparaît, c'est que la journée n'est pas un jour comme les autres, mais est une rupture à l'intérieur du temps. Donc l'exaltation révolutionnaire, dans les journées révolutionnaires, c'est une expérience en soi, distincte de l'expérience des jours de la vie quotidienne. C'est la sortir de la vie quotidienne. Or, cette sortie désigne, au fond, la communion avec ce souverain bien qui jusque-là semblait inaccessible et qui est enfin à la portée de la main. Le bonheur révolutionnaire, fût-ce dans le sang, la tragédie, les excès, le bonheur révolutionnaire, c'est la retrouvaille de l'objet perdu et d'un souverain bien dont on ne pouvait même pas imaginer qu'il se présentât un jour en chair et en os dans la vie de tous les jours. Et voilà que là, dans la journée révolutionnaire, cet objet est là. D'où une explosion de bonheur et de liberté, quitte d'ailleurs le lendemain à avoir un effondrement aussi grave que le bonheur était profond. Et il me semble que dans les derniers temps du comité de salut public, enfin de l'expérience robespierriste, on a l'impression que ces journées ne peuvent plus se prolonger plus avant. Comme dit Hegel, n'est-ce pas, la guillotine fonctionne désormais comme l'élimination des révolutionnaires par les révolutionnaires eux-mêmes. On ne voit plus que la mort indéfinie ça, se profiler à l'horizon. Et donc on va retomber dans la vie inessentielle, la vie de tous les jours. Et ça, c'est proprement ce qui est inacceptable pour ceux qui ont vu une fois dans leur vie se profiler l'impossible. En 1810, Théroigne devient beaucoup plus calme. Elle tombe progressivement dans un état de démence qui témoigne de son passage définitif dans l'univers de la folie carcérale. La fixation au vocabulaire de l'an 2 semble alors s'éterniser. Des heures durant, elle se parle à elle-même, en langue fondamentale, sans reconnaître d'autre réalité que le monologue de son propre discours déroulé à l'infini. Elle se voit occupée à de grandes choses, sourit parfois à l'entourage et prononce à voix basse des phrases incantatoires où apparaissent des vocables automatisés « fortune »,« liberté », »,« comité », »,« révolution », »,« coquin », »,« décret », »,« arrêté ». Pour accompagner cette parole, faite de purs signifiants, elle se livre tantôt à des pratiques d'auto-humiliation qui la conduisent à absorber des immondices ou de l'eau salie par des ordures, tantôt à des rites purificatoires qui consistent à se mouiller le corps avec de l'eau glacée, comme pour laver des souillures imaginaires ou effacer les traces de l'humiliation précédemment infligée. Au cœur de cet univers de circularité asilaire, où alternent le délire d'autopunition et la dévoration cannibalique de l'idéal perdu, Théroigne est devenu, après 20 ans d'internement, un véritable fauve. Tel un automate sur une scène immobile, elle reconstruit sans cesse le tableau coloré de sa douleur mélancolique pour apparaître comme le négatif de ce qu'elle a été dans sa vie antérieure. Elle mord, elle rampe, elle dévore de la paille et de la plume, elle marche nue sans aucune pudeur, n'a plus d'affect et ne sait plus écrire. Elle qui avait une santé fragile et se plaignait de toutes les migraines possibles lors de son précédent enfermement, la voilà maintenant armée d'une incroyable résistance à toutes les maladies physiques et aux plus rudes intempéries. Plus la mélancolie évolue vers l'autisme, la perte de soi, la chronicité ou l'incurabilité schizophrénique, plus le corps prend l'aspect d'une forteresse imperméable aux agressions venues de l'extérieur. Et quand survient la mort, on dirait qu'elle est le résultat d'une action suicidaire due à la forme ultime d'une autopunition inconsciente. Une éruption a lieu sur tout le corps, puis se calme avec le rituel de l'eau glacée et de la paillasse inondée. Mais aussitôt, Théroigne se couche, boit de l'eau et refuse de manger jusqu'à la cachexie extrême. Au bout de 15 jours, l'œdème apparaît. Le certificat de décès indique « péripneumonie chronique ». À la suite de l'autopsie et après la réalisation d'un moulage du crâne et de la face, les restes du cadavre sont jetés dans la fosse du cimetière de l'hôpital, aujourd'hui recouverte par un bâtiment central. Pendant 23 années, Théroigne de Méricourt aura porté le deuil de la Révolution. Sa mort en pleine restauration la renvoie à son destin de femme mélancolique, où rien ne peut combler la place laissée vacante par la perte irrémédiable de l'objet idéal. Figure de proue du premier féminisme, républicaine, girondine et athée, Théroigne de Méricourt est morte à l'âge de 55 ans à l'asile de la Salpêtrière. Sous la Restauration, on pensait que la Révolution l'avait rendue folle. On oubliait qu'elle était devenue folle quand la Révolution avait sombré dans la terreur. Dans un même geste, on rejetait la femme et la Révolution, toutes deux identifiées à un désordre passionnel. Pendant un siècle, Théroigne aura été maudite par la postérité, malgré sa grande réhabilitation par Michelet. En 1873, le curé de Marcourt fit raser sa maison natale, située face à l'église. Il trouvait qu'elle attirait trop de visiteurs venus de France et de Belgique. Par cet acte, il voulait effacer de la mémoire des hommes le souvenir de la Révolution, et plus encore celui d'une femme qui s'était révoltée contre le droit divin, et avait voulu se libérer de sa condition. Cela n'empêcha pas le souvenir. À la belle époque, en France, Théroigne devint une héroïne du féminisme par le théâtre lorsque Sarah Bernhardt interpréta son rôle et la rendit de nouveau célèbre. Mais à la fin de l'année 1988, à Marcourt, elle était toujours ignorée ou regardée par les habitants du village comme une sorcière, une Parisienne dévergondée. Autrefois, elle avait été laissée dans le dénuement à l'asile par sa famille, et maintenant, à Marcourt, il n'y avait pas une ombre, pas un fantôme, pas la moindre inscription pour évoquer sa trace. Seul un acte de baptême signalait sa présence au syndicat d'initiative.